Brigitte Dornaz et Camille Collet. 40e épisode. Carte postale. Ouais, t'es là. Je voulais te faire une bise. Ah, ça y est, vous partez. Alors, moi, c'est pas gagné. Hein. Les valises, j'en ai partout. Pour la rentrée, ça va aller? Tu me dis hein, si t'as besoin de quelque chose. Oui, t'inquiète. Et tu sais comment tu t'organises avec Jean finalement? C'est toi qui gardes l'appart? Ah, mais l'appart, on le garde ensemble. Hein. On va juste faire quelques aménagements, tu vois, mais on s'est dit que pour Louis, ça serait quand même plus cool d'avoir ses deux parents. Ça c'est sûr, mais c'est pas un peu contradictoire avec une séparation? Je te reconnais bien là. Non, mais ça c'est ton côté entier. Mais non, mais nous en fait on se sépare, mais sur le principe quoi, tu vois. Dans les faits, c'est quand même vraiment le bordel hein, de tout chambouler, de prendre un autre appart, de se taper un déménagement. Et puis attends, deux apparts, c'est deux loyers aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. Non, mais j'oublie pas. Mais tu sais, avec le prix de l'immobilier puis nos boulots pas stables, on divorce plus comme il y a 20 ans. Oui, bien sûr, mais. Enfin, je sais pas, c'est juste parce que. C'est vous qui nous avez annoncé que vous alliez... Non, mais tout à fait. Mais une séparation, c'est pas forcément la guerre. En fait, c'est un peu comme si on devenait coloc. Coloc? Bah oui, pourquoi pas. Mais tout le monde fait ça, c'est hyper tendance. Faut vivre avec son époque, ma chérie. Ouais, c'est différent, quoi. Bah voilà. Rien n'est immuable dans la vie. Bon, à part les vacances, hein. C'était chouette, hein. On met ça l'année prochaine. On prend les mêmes et on recommence. Allez, bisous, ma Brigitte. Bisous, ma Véro. Bon retour, hein. Vous nous appelez quand vous êtes arrivés? C'est un peu étrange, ces séparations où les gens restent ensemble et où rien ne change. Mais ça a vraiment du bon, parce qu'on a finalement passé une semaine de vacances comme tous les ans, et c'est ça qu'on aime. Ouais, il y a eu les barbecues. Et vous faites quoi? Vous me dites de lancer le barbecue et après il n'y a plus personne. Mais c'est cuit, là. Oh putain, c'est cramé. Mais ça va être dégueulasse. On s'est parfois agacé sur les enfants. Octave, tu mets un pull. Trois fois, je te l'ai dit. Ah, mais qu'est-ce qui m'énerve, ce gamin? Paul, tu peux intervenir, s'il te plaît? Hein? Dis-lui de mettre un pull, ça fait une heure qu'il joue dehors en t-shirt. Mmh. Ah oui, oh. Octave, mets un pull, ta mère a froid. On a mis sur la table des questions cruciales. Il vous reste de la crème solaire? D'intérêt divers. Mais arrête de me dire que je suis de droite, mais bordel! C'est la réalité, tu votes peut-être à gauche, mais tu penses à droite, je m'excuse. On a plus ou moins veillé à ne pas froisser les autres sur l'éducation de leurs enfants. Ah papa, tu vas où, toi, Clémentine? Bah, c'est maman qui m'a dit que je pouvais sortir de table. Et qui débarrasse ton assiette? C'est tonton Benoît, peut-être? Bah oui, chez nous, on n'est pas élevés comme des sauvages. Alors, hop au boulot. Mais ça va, Benoît, qu'est-ce que tu sous-entends, là? Chez nous non plus, on n'est pas élevés comme des sauvages. J'ai pas dit ça, j'ai juste demandé à ta fille de débarrasser son assiette. Bah, je suis pas sûre que la tienne l'ait fait, mais enfin bon. Enfin, elle a pas le même âge non plus. Les enfants ont découvert des petits secrets. Véro, c'est vrai qu'avant, papa, c'était ton amoureux? Oui, comme. Mais c'était il y a très longtemps. Longtemps comment? Bah, je sais pas. On avait 14, 15 ans. Mais qui t'a dit ça? Clémentine. Mais c'est un secret? Bah non, pourquoi veux-tu que ce soit un secret? On a réglé des conflits. Mais Anatole, tu peux pas dire à Lucie qu'elle est bête. C'est pas gentil de lui dire ça. Bah toi, tu dis bien que tonton Benoît est radin. Oui, mais d'abord, je lui dis pas à lui directement. On a re-réglé des conflits. Enfin, Octave, on ne tape pas, c'est compris? La violence ne résoudra jamais rien. Bon, alors tu présentes tes excuses à Côme. Allez. Pardon, Côme. Et toi, Côme, tu t'excuses aussi. Pardon, Octave. Voilà, ouais, bah, bravo les gars, ça c'est un comportement sport. Allez, jouer maintenant. Hein. Ouais, super, tiens, viens voir là, Octave. Viens voir, deux secondes, là, j'ai un truc à te dire. Ouais. Dis donc, on doit pas taper, hein, mais si c'est Côme qui t'agresse, tu te défends, mon grand. Hein. Mm-hmm. Tu te laisses pas faire non plus, hein, parce que le Côme, avec sa tête d'ange, il a la main lourde. Oui. Hein, d'accord? Oui. On a traversé des crises. Je crois que Lucie a attrapé des poux. Des poux? Ah, ça c'est chiant. Oh, merde. Oh non, mais moi je peux plus là, je suis épuisée. Oh non, mais vraiment, j'avais pas besoin de ça. Mais calme-toi, chérie. Mais non, je me calme pas parce que c'est dégueulasse. Je vais gérer, je t'assure. Mais Lorraine, calme-toi, pleure pas, c'est non, mais les phobiques, c'est pour ça. Je suis un bout, Benoît. Non, c'est de la merde. Ça va, allez, chérie, tout de là. Quand je pense qu'on se saigne pour mettre les gosses dans le privé, on finit avec des poux en plein mois d'août. Ça n'a pas de rapport, chérie. Mais si, ça a un rapport. C'est quand même pas les enfants de Brigitte et Paul qui leur ont refilé des poux. Hein, Brigitte, vous avez nigé ni réproché avec vos enfants. Ils auraient pas refilé des poux quand même. Ah ben non, tu penses bien. Et puis, Ben, je te l'aurais dit de toute façon. Et surtout, on a partagé de grands moments de complicité avec nos enfants. Et ça, bravo. Ça n'a pas de prix. Mais c'est un jeu en équipe, bordel. On fait attention à ses partenaires. Ça fait 3 fois que tu marques pour les autres, Anatole. Oui, mais je veux pas faire équipe avec Com, je veux être avec Louis. Bon, écoute, Anatole, pour l'instant, t'es avec Benoît et Com, donc... Ah oui, mon gars, oh, c'est quand même la famille. Oui, mais je préfère l'équipe des copains. Bah, bravo, belle mentalité. Hein. Bon, enfin, Benoît, ça va, mollo, hein, c'est pas un argument, la famille, on joue là. T'as marqué contre son camp, contre sa propre famille, ça te choque pas? Pour faire gagner des points à Jean et à Louis? Ah, la Corrèze avant le Zambèze, c'est ça, hein, mais ça n'a pas de sens à son âge, et plus tard non plus d'ailleurs, enfin, je dis ça, moi, je dirais. Oh, donc, Paul, mais t'insinues quoi, là? Viens pas me donner des leçons, s'il te plaît, parce que niveau répartition des équipes, y aurait beaucoup à dire. Comment ça? Bah, comme par hasard, tu nous as refilé Anatole qui sait même pas courir. Ah, il sait pas courir, Anatole. Non, et en plus, je veux dire quelque chose, on l'a vraiment pris dans l'équipe parce que c'était la famille, justement. Oh. En fait, tu t'arranges pour faire gagner Jean en nous refilant ton fils? Ouais. Oh, bah bravo, bravo l'arbitre. Oh, les gars, c'est un jeu, vous êtes cons là. Attends, j'entends, mêle pas là, c'est entre Benoît et moi là, hein. Je préfère qu'on règle ça en famille. Donc en fait, je triche moi. Ouais, ouais. C'est ça? Ouais, ouais, je pense que t'es pas clair sur l'arbitrage là. Ah, ouais. Brigitte? Bref, c'était des vraies vacances avec leur lot de fous rires et de petites tensions. Et ça fait du bien de savoir que rien ne bousculera jamais tout ça. Oui, Brigitte, je t'appelle parce que je voulais te parler d'un truc. Ah, Marie-Lorraine, tout roule ? Moyen. T'étais au courant pour Véro et Benoît ? Véro et Benoît ? Je vois pas, là. Ils ont eu une histoire. Non, mais comment ça ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui, une histoire. C'est ta fille qui a raconté ça à Combe. Il y a eu un truc. Mais quand on était gosses, tu veux dire? C'est ça, oui. Ah, mais tu me rassures. Enfin, une histoire, c'est un bien grand mot. Benoît a dû rouler 2 patins à Véro avant de se faire larguer, mais à part ça... Alors, je t'arrête tout de suite, ok? Ça fait 15 ans qu'on part ensemble, et je suis la seule à qui on le cache. Enfin, mais on le cache. Il y a pas grand-chose à cacher, t'énerve pas, Marie-Lorraine. Si, je m'énerve. Parce que là, vous m'avez tous pris pour une conne avec ces vacances collectives. Je suis la seule gourde à rien savoir, hein. Mais pas du tout, Marie-Lorraine. Alors écoute-moi bien, la brasse cruche, c'est terminé. Et les vacances ensemble aussi, d'ailleurs. Hein, pas la peine de compter sur nous l'année prochaine. Salut! Mais Marie-Lorraine! Oh bah merde! Non mais elle est pas sérieuse quand même, hein. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Elios Noël, Delphine Léonard, Vincent Berger, Sidonie Laurence, Samuel et Anna Kajman, Ernest Collère. Louis Tard. Sophie Bissens. Conseillère littéraire. Céline Geoffroy. Prise de son. Montage. Mixage. Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Cédric Ossier.